Chapitre 13. Le piège vécu. Il n'advint rien de ces étranges figures aperçues à la lueur de l'éclair. Pendant 10 bonnes minutes, j'eus la nuit en plein jour, et certes les malvoulants auraient eu beau jeu pour m'attaquer. J'avais rêvé tout éveillé, ou bien c'étaient des fantômes. Chez nous, en Bretagne, il en sort de terre aux lueurs de l'orage comme au clair de lune. Et je venais du pays où tout le monde connaît le grand errant de la pointe du talud, qui éparpille ses petits hommes gris sur les roches quand la tempête précipite l'une contre l'autre des lames plus hautes que la cathédrale de l'Orient, dans les courants blancs d'écume entre l'île de Groix et l'Armor. C'était un orage de mai, il n'y eut qu'un seul coup de tonnerre. Au bout de 10 minutes, le bleu du ciel se montra dans un coin de l'horizon et les grands nuages en déroute démasquèrent le soleil. Je me mis à rire en moi-même au souvenir de ma vision. Jamais chemin ne fut plus tranquille que le mien. Je n'entendais même plus ces bruits équivoques dans le taillis et je reconnaissais, à l'élargissement du sentier, que le grand chemin désormais était proche. Bien mieux, le vent m'apportait le son d'une voix amie, avec le cloc-cloc des sabots de Joson Menou qui devait trotter dur et qui chantait. À la Sainte-Anne, on aurait, j'irai pieds nus sur la route, sans brin manger ni borigoute, et je lui porterai le plus beau bouquet que j'aurai. C'est la fille au marchand de futaine qui me tient au cœur depuis le printemps. Je gagne mes 8 sous quand je vais au champ, ça ne suffit pas, je suis bien en peine. Me faudrait trouver un trésor, toute une marmitée de pièces d'or. J'ouvris la bouche pour crier joyeusement « Oh, hé, Josille !» quand mon attention fut attirée par un bout de corde qui reposait à terre en travers du sentier. Cette corde n'était pas là quand j'avais passé le matin. Ce n'était pas un obstacle bien difficile à franchir et pourtant ma pensée se reporta aux craintes qui avaient préoccupé le début de ma route. « Allons, Taupin » dis-je. Il faut sauter cela comme si c'était un fossé d'une toise, et n'y toucher ni des pieds de derrière, ni des pieds de devant. Hardi, si c'est un piège à écu, nous le verrons bien. Et nous le vîmes, et c'était un piège à écu. Taupin, dont ma roussine avait caressé l'oreille, prit son élan bravement. De l'endroit où la corde était posée à plat sur le sol, on apercevait le débouché du sentier sur la grande route. Je vis mon page Joson qui passait à pleine course avec son bâton à massue, son petit paquet sous le bras, ses 2 sabots pendus au cou par derrière. Cloc, cloc, cloc. Justement, Joson Menu achevait son couplet et prenait le refrain. À Sainte-Anne, on aurait, j'irai pieds nus sur la route. Taupin, obéissant à la houssine, était en l'air. Je poussai un grand cri. La corde lâche qui tout à l'heure gisait à terre venait de se tendre et de se relever. Il y avait à chaque bout une paire de sauvages qui se faisaient des masques avec leurs grands cheveux rabattus. D'un même mouvement, combiné avec une précision diabolique, mes coquins donnèrent une saccade en arrière. Taupin et moi nous roulâmes sur le sol détrempé par l'averse. Je ne sais pas ce qui serait advenu sans Joson Menou, car j'étais tombé très malheureusement, le dos tourné à la grande route, et ma jambe droite restait engagée sous la panse de Taupin. Avant que j'eusse essayé seulement de me relever, mes 4 hurons de la forêt de Rennes m'entouraient en poussant des « roues » de triomphe. Le plus preste d'entre eux et moi nous tendions la main à la fois pour saisir un pistolet dans ma fonte, quand j'entendis derrière moi un sonore « Foi de Dieu !» et la main noire du charbougnas craqua, broyée par le bâton de mon page. Les 3 autres amoureux de ma valise se réunirent aussitôt contre lui. 2 d'entre eux avaient aussi des bâtons. Le 3e, qui était notre connaissance Langourlas, tenait sa tuette par le canon et la brandissait comme une masse d'armes. Mais comme Joson Menou me l'avoua subséquemment, ils auraient été 30 au lieu de 3, et ils auraient eu de l'artillerie avec eux, que les choses se seraient passées tout de même. Joson, après avoir visité la Sainte Vierge de Saint-Sauveur de Rennes, s'était mis à me chercher par la ville. Ne me trouvant point, il avait franchi la grille de la halle au grain et s'était endormi commodément sur un sac de farine. Son retard venait de ce qu'on l'avait arrêté au matin dans cette chambre à coucher illicite. mais le hasard voulut que le garde de ville, chargé de le mener en prison, était le beau-frère du sonneur de Sainte-Croix de Quimperlé, dont la femme cousinait avec la chaussetière du gros bourg de Plomeur, qui était la propre nièce du bedeau de la paroisse de Kerentrec-lès-Lorient, duquel la fille cadette avait épousé en seconde noce Yvonne la Bancale, veuvière du défunt propre oncle de Joson Menou. Alors, au lieu d'aller en prison, en avant le cabaret. Joson avait lampé sa moitié de 7 pots de cidre dur en mangeant une bidouillée de couenne. Et quand un gars de pain d'or a du quoi dans le ventre, déclara-t-il en achevant son récit, ça n'est pas toute la ville de Rennes avec la campagne aussi qui l'empêcherait de faire à son idée. La vérité est que Joson Menou cassa la tuette de l'Angourlas et sa tête, qu'il enfonça les côtes du Charbougnas, qu'il estropia les deux autres et me remit sur Taupin. Comme dépouilles opimes, il emporta 4 staches de 2 sous chacun, 4 poches à tabac et la corde. Et pendant que je reprenais mon assiette sur la selle, il cria « Hi, Taupin, vieux bouc !» Puis il continua son refrain, juste où il l'avait laissé. « Sans manger brin ni boire goutte, et je lui porterai le plus beau bouquet que j'aurai. On n'en meurt pas pour une chopine, ou 2 ou 3 au cabaret. La femme dirait ce qu'elle voudrait quand je serai l'époux de Catherine, mais faudrait trouver un trésor, toute une marmité de pièces d'or. « Hi, Taupin, gredin !» « Vous n'avez toujours rien de démis, monsieur le chevalier. Ça vous reva-t-il un petit peu? Mais d'où donc vous reveniez par cette sente-là qui n'était point votre route ?»« Joson, répondis-je, ranimé déjà par le bon vent qui me fouettait au visage. Je viens de chercher le trésor. »« Le trésor? Qu'est trésor ?»« Celui que tu demandes à la bonne Sainte-Anne d'Auray. » »« Fils de chien, c'est pas de vous que je parle, monsieur le chevalier. » Vous ne mentez point, sauf votre respect. Pousse le bidet, Josille, je t'en dirai plus long quand nous serons hors de la forêt. Et vous me montrerez le trésor, et tu en auras ta part si tu veux. J'en houpa si haut et si large que Taupin dressa les oreilles et se mit à hennir. Tu vas galoper, toi, lui cria Joson, ivre d'allégresse, ou tu diras pourquoi. Allume un trésor, je n'en ai jamais vu tant seulement la queue d'un. « Hi, bourrique, un trésor en barque? Ah, dame, ah, dame, j'avais brûlé un cierge à la Sainte-Anne. Nage donc, un trésor. Ils sont les gars de la Basse-Bretagne. Tant qu'ils sont sous, ils se cassent le cou. Tant qu'ils sont bêtes, ils se cassent la tête. Saint Jésus, Sainte Vierge, Sainte-Anne, vas-tu tricoter du jarret à la fin, grenouille? Vive le roi et la reine. Leve la partie, dites donc, monsieur le chevalier. Et houp! Je vais le suivre à cloche-pied si je veux. Un trésor. Digue, digue donc, litre à l'ilanterre. C'est la bidouillée de Couen de l'art et les 7 pots qui nous apportent bonheur. Ah, dame, je m'amuse. Et pourtant, je l'ai dit, Joson Menou n'était pas un bavard. Mais l'idée du trésor le rendait fou. Entre chaque exclamation, il prodiguait à Taupin quelque encouragement, sous forme de coups de pied ou de triques. D'ailleurs, je crois que Taupin sentait aussi le trésor. Le fait est que la fringale de Joson le gagna peu à peu. Il prit le galop, secouant ses oreilles, soufflant des naseaux et jetant au vent sa crinière mal peignée. Alors la longue route, montant et descendant les côtes raides entre la double haie de chêne, put voir une course véritablement fantastique. Taupin, cahotant, soufflant, ruant, allait comme si le diable eût été à ses trousses. Moi, je me retenais des 2 mains au pommeau de la selle, énervé que j'étais par le rire. Et non plus derrière, mais devant, Joson Menou gambadait furieusement, tantôt faisant la roue, tantôt exécutant avec son penbas de prodigieux moulinets. Il lançait en l'air son petit paquet, qu'il rattrapait à la volée. Ses sabots plaintives castagnettes claquaient, ses cheveux se déployaient comme un étendard, ses bras se démenaient, ses jambes se tortillaient. Il dansait, il suait à grosses gouttes, il criait, il chantait. Et Taupin, malgré son émotion manifestement réveillée, ne pouvait que le suivre de loin. Si cette lutte folle avait duré 10 minutes de plus, le misérable Taupin, dont les flancs frémissaient entre mes jambes, serait mort à la peine. »